Bismillahirrahmanirrahim. Donc l'auteur, le Cheikh, a divisé ce livre en différents chapitres. Et il a commencé par Fasl fi al-manahi al-lafziya al-warida fi al-halif. Là sont les termes interdits que l'on trouve dans les serments, le fait de jurer. D'accord, le fait de jurer. L'innan Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man yahlif man kana halifan فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْمُتْ. Celui qui jure par Allah ou qui se taise. Donc de façon générale, jurer par autre que Allah ou ses noms et attributs, cela est du shirk qui peut être, qui à la base est asrar, mineur, et qui peut devenir majeur par la suite en fonction de ce qu'il y a dans le cœur de la personne par rapport à la chose pour laquelle il jure. C'est la règle générale à prendre par rapport à ce qui va suivre. يَقُولُ سُوِلَ الشَّيْخ رحم الله تعالى عن قول الانسان والله وحياتك. Donc là le chien est interrogé par quelqu'un qui dirait par Allah et par ta vie, c'est-à-dire je jure par Allah et par ta vie, qu'en est-il? قوله والله وحياتك فيه او فيها نوعان من الشرك. Donc il dit le fait de dire cela, il y a deux formes de shirk, d'association de polythéisme dans cette phrase. الاول الحلف بغير الله, en premier lieu que la personne n'a juré par autre que Allah, car elle a juré par la vie de la personne, elle a dit par Allah et par ta vie, donc cela n'est pas permis. Là c'est la première forme de shirk. والثاني الاشراك مع الله بقوله والله وحياتك وضمها الى الله بالواو المقتضيه للتسويه. Et le deuxième, c'est qu'il aura égalisé entre la vie de la personne et Allah, qu'elle aura fait une jonction entre les deux par, en arabe, ce qu'on appelle le waw, qui est traduit par « et » en français, qui est ce qu'on s'en sert pour une jonction de coordination entre deux choses, et en arabe, cela amène à égaliser entre les choses. Par exemple, tu dirais « Zayd et Ibrahim, masalan, Zayd et Ibrahim sont mes frères. » Et bien tu auras rendu Zayd Ibrahim à un stade égal. Et bien là quand quelqu'un il dit je jure par Allah et par ta vie, il aura mis à un même pied des stades la vie et Allah Azzawajal. Donc il aura égalisé entre les deux, et cela du shirk également. Car Allah il n'y a rien qui est comme lui. Yaqul wal muqsimu bi ghayrillahi in yataqada an al muqsamu bih bi manzilatillah fi al-'uzma fa huwa shirkun akbar. Et dit maintenant celui qui jure par autre que Allah, s'il voit que la chose pour laquelle il a juré dans son cœur, cela a une valeur aussi grande que celle d'Allah, alors il a fait du shirk akbar, du shirk majeur. Mais si il n'a pas mis la même valeur, il sait que cela est moindre que Allah, mais qu'il a seulement prononcé en jurant par autre que Allah, il aura fait du shirk asrar. Comme des gens, par exemple, qui jurent sur la tête de la mère, ou la tête des enfants, ou sur différentes choses liées à la création. T'en as, ils mettent cela au même niveau que Allah, dans la valeur, dans le tarzim. Eux, ils auront mécru en faisant cela. Et celui qui aura, dans son cœur, n'aura pas cette croyance-là, mais qui aura juste prononcé, il lui aura fait du shirk asrar. Thumma su'ila al-shaykh, ize halafa al-shakhs, wa qala bi zimmati. فهل يدخل في باب الحلف بغير الله. Donc il a été interrogé par une personne qui jurait, qui dirait tu as ma parole, tu as ma parole, est-ce que cela rentre dans le serment par autre que Allah? فاجاب رحمه الله تعالى هذه صيغه مشهوره عند العامه يقول بذمتي فيجيبه الاخر بذمتك تساوي كذا فيقول نعم بذمتي. Donc il a dit le shir, ça c'est une formule qui est fréquente chez les gens de la masse, qui dit « tu as ma parole ». Et l'autre lui dit « tu me donnes ta parole que tu feras telle chose ». L'autre lui dit « oui, tu as ma parole que je ferai telle chose ». « Al-muradu bi-zimma huna al-ahd, wa laysa al-muradu biha al-yamin. Lakin kainu yakulu ana ukallimuka bil-ahd wal-mu'ahada. » ولهذا لو فرض انه حلف بذلك فليس عليك فار بيمين لان هذا ليس بيمين. Donc il a dit maintenant, en fait, ce que la personne elle fait à ce moment-là, c'est qu'elle se porte garante d'une chose, et ce n'est pas en fait un serment. Ce n'est pas un serment. Ça ne prend pas le jugement du serment de dire cela. Tu as ma parole que je fais telle chose. D'accord ? Bien sûr, il dira Inch'Allah. C'est comme s'il donnait une forme de garantie. Donc lui, s'il venait, Mathalen, à enfreindre cette chose-là, il dit par exemple, tu as ma parole que je fais telle chose et après il ne la fait pas, il n'a pas d'expiation du serment à faire. L'expiation, comme vous le savez, c'est soit nourrir 10 pauvres, soit les habiller, leur acheter des vêtements à 10 pauvres, soit libérer un esclave. Et si la personne ne peut pas faire ces trois-là, alors il jeûne 3 jours. Il jeûne 3 jours. Donc on dit bien, les 3 premiers, on a le choix. Soit nourrir 10 pauvres, soit les habiller, soit libérer un esclave. Et si la personne ne peut pas faire ces trois-là, l'un des trois, alors à ce moment-là, il passe à l'autre étape qui est le fait de jeûner 3 jours. On ne passe pas directement au jeûne 3 jours, si on peut nourrir 10 pauvres ou les habiller. Bon, les esclaves, à cette époque, il n'en a plus. Mais dire nourrir 10 pauvres, c'est qu'il y a les moyens de le faire obligatoirement ou les revêtir. Il ne passe pas aux 3 jours de jeûne en premier. Il passe d'abord aux premières étapes, sans quoi cela ne sera pas valable. Donc le fait de dire à quelqu'un « tu as ma parole », cela n'est pas un serment. Et si jamais il venait à ne pas respecter cela, il n'y a pas d'expression sur lui. « Azal lazi al-adashir bi al-assuel, walhamdulillah bil alamin ».